écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL 89,1 et on poursuit donc cette dernière émission avec encore plein de chroniqueurs à venir et j'accueille maintenant Christiane Dupont. Bonjour Christiane. Et tu vas nous faire une rétrospective sur les espèces qui ont été découvertes donc l'année dernière. Donc on continue de découvrir des espèces, il y en a qui disparaissent, mais on continue d'en découvrir et il y en a certaines qui sont surprenantes. Oui, exactement. En fait, on a tendance à croire que la plupart des espèces ont... Les espèces qui existent, on les connaît, on a déjà tout vu, l'humain, des fois, on a un peu cette impression-là, alors que c'est très faux. Et on découvre des espèces, des fois, des énormes animaux qu'on découvre encore chaque année. C'est ça qui est surprenant, parce que des fois, quand on en découvre, c'est des petites bêtes minuscules. Oui, on dit, bon, une sorte de champignon, ça va, un insecte obscur dans le haut de la canopée, de la magie. Bon. Mais vous allez voir dans le top 10, c'est impressionnant. Donc, c'est l'Institut pour l'exploration des espèces, qui est un institut international qui a sa base, qui est basée en Arizona, dans le Arizona State University. Et il publie chaque année le top 10 des espèces qui ont été découvertes en 2010 et qui sont plus marquantes. Alors, on va commencer tout de suite. Allons-y. Je vais commencer par celle qui a eu le numéro 1 au palmarès, celle qui est la plus marquante. C'est une espèce d'araignée, l'araignée Darwin, qui a été découverte à Madagascar, qui est l'araignée qui produit la soie la plus résistante que l'on connaît. Ah oui? Oui, deux fois plus résistante que n'importe quelle autre toile d'araignée qui existe sur Terre, 10 fois plus résistante que le Kevlar, et puis elle fait des toiles de plus de 25 mètres de diamètre. C'est impressionnant, on ne l'a jamais vu avant. Et puis, c'est à Madagascar, elle utilise la grandeur de ses toiles pour traverser des rivières. Ah! Alors, c'est quand même fascinant. Parmi les autres découvertes, il y en a une que je trouve particulièrement intéressante de par l'endroit où elle a été découverte. C'est une bactérie qui mange de la rouille, mais elle a été découverte sur l'épave du Titanic. Oh, tiens, c'est marrant. C'est quand même... on ne connaît pas beaucoup d'épaves, mais tout le monde connaît l'épave du Titanic. Donc, ça a été découvert en 2010 par des chercheurs canadiens, entre autres, qui sont allés étudier, probablement... Qu'est-ce qui se passait? Comment ça se dégrade dans l'eau? Parce que oui, c'est du métal, mais il y a quand même des réactions qui se passent, donc des réactions biologiques également. Et puis, les chercheurs indiquent que c'est une belle découverte qui pourrait peut-être aider à faire dégrader plus rapidement toutes les épaves qui se trouvent dans l'océan. Oui, exact. Donc, ça, c'est une autre espèce qui a été découverte en 2010, qui est très intéressante. Une autre qui est quand même, je trouve, assez frappante, c'est un lézard géant. Alors là, on passe du tout petit au grand. On parle d'un lézard de plus de 2 mètres qui n'avait jamais été... On l'avait jamais vu, celui-là. Peut-être que quelqu'un l'avait vu, mais jamais quelqu'un avec assez de connaissances scientifiques pour dire, bon, ben écoutez, je crois qu'il n'a jamais été identifié. Ouais. Donc, il faut faire quand même la distinction. Probablement qu'il a déjà été vu du dieu d'homme, mais jamais... Analysé comme étant une espèce non répertoriée. Jamais avec le nom latin. Et se trouve où? Ça se trouve où? Ça se trouve dans une île aux Philippines. Et c'est un énorme lézard qui mesure plus de 2 mètres, qui pèse environ une dizaine de kilogrammes. Et puis, donc, c'est quand même fascinant qu'un gros lézard comme ça n'était dans aucun registre, dans rien du tout. Un autre que je trouvais intéressant, c'est une antilope. Une antilope? Oui. Là aussi, c'est surprenant. Surprenant, on se dit, surtout les grands mammifères, on s'est dit, je pense qu'on a fait le tour des grands mammifères, les antilopes en Afrique, il y a des chasseurs, il y a des gens, je veux dire, c'est une petite sorte d'antilope qui s'appelle un tweaker, pardonnez-moi la prononciation, qui est peut-être pas très francophone, qui a été découverte en Afrique de l'Ouest en 2010, très étonnant, dans un marché de viande. Alors, il avait déjà été vu d'œil humain, sorte d'antilope-là, mais jamais nommé d'une manière autre que peut-être la mère. C'est-à-dire que c'est consommé? C'est consommé, mais ce n'était pas dans aucun registre scientifique, la nomenclature. Il n'y a jamais aucun scientifique qui avait nommé cette espèce-là. Donc, c'était... moi, je trouve que ça a été un top 10 que je trouvais assez intéressant. Il y a aussi des champignons sous-marins. Des champignons aquatiques qui est très rare. Il y avait des algues bioluminescentes. Donc, il y a toutes sortes d'espèces. Ouais. Et puis, en fait, le pourquoi de cette petite chronique aujourd'hui, c'était pour... je trouvais que ça nous ramenait ça nous donnait un peu d'humilité sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas du monde. Le directeur de cet institut-là en Arizona indique qu'il reste environ 10 millions d'espèces à découvrir sur Terre. Mm-hmm. Donc, on est très, très, très, très loin d'avoir fait le tour. Et puis, donc, on ne comprend qu'une infime partie partie de toute la complexité de du vivant qui est sur Terre. Comment est-ce qu'elles interagissent toutes entre elles? Oui, elles interagissent, donc il y a tout un grand pan des interactions qu'on ne comprend pas entre les espèces encore, et on en détruit beaucoup, c'est probablement ça, avant de les connaître. Ouais, c'est ça, exactement. Avant de les nommer et en ne sachant pas le rôle qu'il a dans la complexité de la chaîne alimentaire. Et puis, ce même monsieur indiquait aussi qu'on aurait censé, donc ça revient d'une autre manière de le dire, on aurait censé maximum 20 % du total des plantes, des animaux, des bactéries. Ouais, c'est un petit peu vertigineux, ça. Donc, la science est importante. Encore beaucoup de pain sur la planche. Ouais. Et puis, je trouve que de découvrir encore des espèces aussi grosses en 2010, alors qu'on a l'impression que la Terre est complètement recouverte d'humains, ça nous donne une leçon d'humilité, je trouve. Ouais, absolument. Ben, merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup à toi.